Salut, papa. Tiens, Julie, comment va ta jambe? Tu n'as pas trop mal? L'attelle ne te gêne pas trop, au moins? Non, ça va. Je la sens un peu contractée, mais ça me dérange pas pour me déplacer. J'ai fait un tour en ville tout à l'heure et j'ai pas eu de problème. Et ta tête, ça va? Ma tête? Mais j'ai pas eu de blessure à la tête. Pourtant, ce matin, tu continuais à parler toute seule dans ta chambre? Non, mais ça va, je parlais à moi-même. Tu sais, je me motivais en me faisant le programme de la journée. La routine, quoi. Tu parlais d'exorcisme et de voyance. Non, mais c'est... Bon, je sais pas encore quelle raison donner, mais j'en trouverai une. C'est vraiment bizarre. Du coup, on n'est pas beaucoup plus avancé. La seule chose qu'on a trouvée, c'est cette piste du fantôme. Mais pourquoi tu fais des guillemets avec tes doigts en me disant ça? Le problème, c'est que tu te rappelles de pas grand-chose de ton passé. Oh, ça va, j'ai quand même retrouvé Tom. Et encore, c'est pas forcément mon vrai nom. Ouais, bon, je te l'accorde, on n'a pas vraiment grand-chose. Si on part du principe que t'es mort, il serait logique que ce soit arrivé au moment où t'es apparu dans mon corps. Donc, à l'hôpital. C'est vrai. En plus de ne pas savoir qui chercher, on ne sait pas non plus où chercher. De Tiens, mort et il parle de son accident, Julie. C'est le bilan de l'accident de bus qui est survenu en plein centre-ville. Il semblerait que le conducteur, un homme de 48 ans du nom de Thierry Soto, se soit endormi au volant de son véhicule, entraînant son décès ainsi que celui d'un passager, Thomas Assin, homme de 24 ans. Hey, mais les autres passagers ont pu sortir de l'hôpital sud le soir même. Les syndicats exigent une enquête sur les conditions de travail des employés de l'entreprise. C'est quand même tragique. Oui. Bon, je vais aller me coucher. Bonne soirée. Et donc, je serai ce Thomas Assin. Ce serait pas très étonnant, en effet. Après, pourquoi moi et pas une autre personne du bus? Ça, c'est une autre histoire. Ah bah merci, ça fait plaisir de se sentir accueilli. Tu as perdu connaissance, et je me rappelle bien. C'est peut-être à ce moment que ça s'est produit. Possible. Enfin, l'avantage, c'est que si j'ai ton nom, je peux facilement te retrouver avec les annuaires, en espérant que tu t'y trouves. Et au pire, ton nom de famille est pas très commun. On pourra peut-être retrouver quelqu'un de ta famille. Il pourrait nous en dire plus sur toi. J'ai Marc et Anne Assin. Ça te rappelle quelque chose? J'ai l'impression de connaître ces noms. Peut-être mes parents? Leur maison est pas très loin. Bon, écoute, demain c'est dimanche. On va essayer d'aller les voir. Étant donné qu'on était dans le même bus, ça nous donnera la possibilité qu'on puisse discuter un petit peu de toi. Et si jamais tu te rappelles de quelque chose, tu pourras me le signaler. Ça peut se tenter. Allons-y demain. Nous y voici. 24 Allée des Açores. Je connais définitivement cet endroit. Je jouais dans la rue quand j'étais plus jeune. Je me rappelle de cet arbre, j'essayais souvent d'y grimper. Bon, t'es prêt? Je sonne. En espérant de pas trop les déranger. Ah, j'ai le cœur qui bat plus vite d'impatience. Non, ça c'est moi qui stresse. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mon cœur. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Vous êtes bien madame Anne Assin? C'est exact. Et vous êtes? Oui, désolée. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Julie Moineau. Je suis venue vous voir parce que j'étais dans le bus qui a eu un accident avant-hier. Et j'avais rencontré Thomas. Si ça ne vous dérange pas trop, j'aimerais discuter de lui avec vous. Ça me surprend un peu. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir parler avec ses amis. Si vous voulez entrer... Je voudrais pas déranger. Ne vous en faites pas. Nous avons peu de visiteurs, mais nous tâchons mon mari et moi de les accueillir comme il se doit. D'accord. Installez-vous, je vous en prie. Et donc, vous étiez une amie de Thomas? Oui, on a partagé quelques moments ensemble. Oh, vous étiez sa petite amie? Ah, non. On a fait un tour en ville et on se parlait pas mal, mais c'est tout. Pardonnez-moi la confusion. Puis-je me permettre de vous demander ce que vous pensiez de Thomas? C'est quelqu'un d'assez intelligent et taquin. Il s'amusait à jouer avec les émotions des gens, mais c'était un ami qui restait proche et donnait de bons conseils. En même temps, c'est pas comme si on avait le choix. Oh, je suis assez surprise. Il semblait plutôt triste ces derniers temps. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il ne respirait pas vraiment la joie de vivre. Je suis heureuse s'il semblait plus gai à vos côtés. Ça me surprend également. Il était vraiment joyeux, vendredi. Vraiment? Pourtant, il n'y avait pas de pire jour pour lui que vendredi. On parle bien du même Thomas. Oui. Pourquoi il aurait été triste ce jour-là? Vous devez sans doute le savoir, mais il allait voir sa sœur. Et ce jour-là, elle n'allait pas très bien. Ça avait l'air de le ronger Julie, intérieurement. Julie, je me rappelle, je me rappelle, je sais ce que je voulais faire. Quoi? S'il te plaît, va à l'hôpital sud, enfin, je dois aller voir ma sœur. Mais, et ta mère? Je t'en supplie, il faut vite que tu y ailles ou il sera trop tard. Bon sang, mais... Julie, qu'y a-t-il? Vous semblez absente. Désolée, madame, mais je viens de me rappeler que je dois absolument aller faire quelque chose. Merci pour ce court moment. Mais, enfin... Au revoir. Remonte la rue, c'est à même pas 5 minutes d'ici. Mais explique-moi, bon sang, tu te rends compte que tu me fais courir avec mon attel? J'aimerais pas aggraver ma blessure. Je t'assure que ça peut être une question de quelques minutes. Il est quelle heure? 11h24. Ça devrait aller. J'ai une petite sœur, Audrey, qui a 17 ans. Elle est touchée d'une cardiomyopathie. Son cœur a été endommagé et ne parvient pas à fournir assez de sang dans son corps. Elle a besoin d'une greffe de cœur en urgence et les médecins n'ont pas de cœur compatible pour elle. Elle risque de mourir aujourd'hui ou demain. Et le pire, c'est que c'est de ma faute. Audrey est une très bonne athlète. Elle fait du 100 mètres et il y a un mois, elle a eu une compétition nationale lui offrant la possibilité d'intégrer l'équipe de France d'athlétisme. Elle était découragée à cause de la performance de ses adversaires alors... Alors je l'ai poussée. Je l'ai forcée à aller au-delà de ses capacités et elle... Elle a fait une crise cardiaque pendant l'épreuve. T'y es pour rien. Je suis totalement responsable de ce qui est arrivé. Si j'avais été un vrai grand frère, je n'aurais pas forcé ma sœur à faire quelque chose de trop dur pour elle. Je voulais qu'elle intègre cette équipe. Car moi je n'avais pas réussi à son âge. Tout ça parce que je suis un putain d'égoïste. Je suis tellement stupide de vouloir faire de ma sœur ce que j'essayais d'être. Je dois aller dans quelle chambre? Premier étage, chambre 2. Prends les escaliers, ce sera plus rapide. Et je lui dis quoi à ta sœur? Bonjour. Qui êtes-vous? Julie. Une amie de ton frère. Oh. Je ne vous avais pas encore rencontré, je crois. Oui, en effet. Comment tu te sens? Je peux te déranger un moment? Je suis encore fatiguée. Mais je suis contente d'avoir de la visite. J'ai un message. De la part de ton frère. Thomas? Oui. Il m'a chargé de te transmettre ce message, s'il pouvait pas le faire. Ce qui est le cas maintenant. Merci. Thomas m'a raconté ta crise cardiaque. Et il regrette énormément ce qui t'est arrivé. Il se sent responsable de t'avoir poussé au-delà de tes capacités. Oui, je sais. Il n'a pas cessé de me le répéter à chaque visite. Il n'a fait que m'encourager. C'est moi qui courais. Et j'ai continué malgré les premières douleurs que j'ai eues au cœur. Ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir pu t'aider comme un grand frère aurait dû le faire. Lors de la compétition, il était sur le côté pour t'encourager. Et lors de l'accident, il était qu'à quelques mètres. Il a paniqué et il n'a pas eu le réflexe de te fournir les massages cardiaques qui auraient pu minimiser les dommages. Il affirme que s'il n'était pas resté inactif, tu aurais eu plus de temps pour pouvoir guérir et tu n'aurais pas été dans cette situation. Il souhaitait te demander de le pardonner, d'avoir été un frère inutile qui n'a pas pu prendre soin de sa petite sœur. Et que s'il le pouvait et que tu arrivais à guérir, il resterait avec toi pour te protéger. Je pense qu'actuellement, il est en train de tout faire pour que tu réussisses à avoir un nouveau cœur qui puisse te faire vivre le plus longtemps possible, et en bonne santé. Voilà. Merci d'avoir passé le message. Et bien évidemment que je le pardonne de ne pas avoir su quoi faire, mais... Il veille sur moi, je le sais bien. Et il a déjà fait tout ce qu'il faut pour m'aider, puisque maintenant c'est son cœur qui bat dans ma poitrine. Comment ? Quel cœur ne pouvait être plus compatible que celui de mon frère ? Dès que son décès a été confirmé, les médecins nous ont demandé, à mes parents et à moi, s'ils pouvaient effectuer la greffe dans la nuit. La greffe semble avoir réussi. Je ne peux pas bouger avant un moment et des médecins viennent toutes les heures. Mais je vais bien. Avoir de la rancœur envers mon frère, impossible que j'en aie. Et maintenant encore moins, puisque c'est grâce à lui que je vais pouvoir vivre. Merci, Julie. Ça veut dire que... Tu vas pouvoir continuer à vivre sans trop d'inquiétude? Je suis contente que ça se soit déroulé comme ça. Ta mort n'aura pas servi à rien. Oui. Je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre le sport comme avant, mais il y a plus important que ça. J'entendre dire tout ça me réconforte tellement. Je ne saurais jamais te remercier assez. Tant que t'es en bonne santé, tout le monde doit être rassuré. Je vais te laisser te reposer. Tu sembles fatigué suite à cette opération. Je vais pas te déranger plus que ça. Je repasserai peut-être pour vérifier que la sœur de mon ami se porte bien. Avec plaisir. J'espère que nous pourrons parler de mon frère. Même s'il est toujours avec moi, il me manque déjà tellement. Je compatis. Repose-toi bien. Julie, encore merci. Je ne fais que me répéter, mais je sens que je vais bientôt plus pouvoir te le redire. Comment ça ? Finalement, c'est bien ça ? Tu as fait ce que tu avais à faire. C'est bien ça. Je me sens différent et je pense que je vais devoir te laisser. J'ai passé peu de temps en ta compagnie, mais c'était très agréable. Merci de m'avoir fait vivre quelques instants de plus dans ce monde. Mais je crois qu'il est temps pour moi de te laisser. Je vais arrêter de te déranger dans ton quotidien. Je te souhaite une excellente vie remplie de bonheur, Julie. Merci, mais tu vas pas disparaître d'un coup comme ça, non ? Tu vas bien rester quelques moments avant de perdre un peu de présence pour monter tranquillement au ciel, n'est-ce pas ? Thomas ? Me déranger dans mon quotidien, comme si c'était le cas. Idiot bête, va. Bon, allez Julie. Il est temps de penser à l'avenir et à toutes les bonnes choses qui vont arriver. Comme la compète de volley ? Thomas, espèce de gros enfoiré ! Tu me fais croire que t'as disparu, tu me fais encore chier à cette compète à laquelle je vais pas pouvoir participer ! Je suis contente de savoir que t'es toujours là. Non.